Nous sommes le mercredi 13 décembre 2017. Il n'est pas encore tout à fait 7h du mat et il est grand temps, oui, grand temps, d'attaquer une nouvelle édition de la revue de presse JV. Bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle édition de la revue de presse JV, votre podcast quotidien sexy gaming et re-sexy derrière. Moi, c'est Bruno Roca et je vais vous accompagner le temps d'un bon gros quart d'heure, voire 20 minutes, en vous livrant toutes les infos JV qu'il ne fallait pas manquer la veille. Gros, très gros programme les amis ce matin, je vous le dis, avec donc moult news sexy en diable ainsi qu'une toute nouvelle rubrique 100% Japon, ça ce sera vers la fin de l'émission. Bref, de quoi ravir tous les joueurs et toutes les sensibilités. Que vous soyez PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, mobile ou que sais-je encore, vous êtes les bienvenus. Que d'amour ce matin, tiens j'en chialerai presque. Allez, let's go comme disent nos amis américains. Nintendo annonce 10 millions de Switch vendus dans le monde, et ce en l'espace de 9 mois, comme la PlayStation 4 finalement, et c'est Jarod qui nous dit ça sur GameCult. Alors c'est un événement, hein. Vraiment, là la Switch, on le savait, et on en parle régulièrement dans cette émission, la Switch continue son ascension, on ne sait pas où elle va s'arrêter, vers l'infini et au-delà très certainement, mais là ça y est, le cap des 10 millions d'unités vendues a été atteint. Et donc Jarod nous dit que au 10 décembre, hein, donc c'est au 10 décembre que la Switch a officiellement franchi ce palier. Un démarrage donc très proche de celui de la PlayStation 4, qui franchissait pour sa part le cap des 10 millions le 10 août 2014, en un peu moins de 9 mois. Donc Jarod nous précise que si on veut pousser le comparatif un peu plus loin, il faut souligner que les deux machines n'ont pas débuté sur la même période. En faisant ses débuts en mars, la Switch a ainsi passé le cap des 10 millions sans même profiter de son premier Noël. Vous le sentez le carnage de Noël là de la Switch ? Moi je le sens en tout cas. Jarod continue en disant que, d'un autre côté, la PlayStation 4 est sortie un mois de novembre, mais devait lutter à sa sortie contre la Xbox One et... elle n'est arrivée au Japon, hein, la PS4, qu'avec plusieurs mois de retard. L'un dans l'autre, hein, nous dit Jarod, la Switch confirme de toute façon définitivement son extraordinaire potentiel commercial en faisant aussi bien, voire mieux qu'une console record comme la PlayStation 4 sur sa première année. D'autant que Nintendo se montre confiant concernant sa capacité à répondre à la forte demande de décembre. Eh ben écoutez, moi, le fan de Nintendo que je suis, est très heureux de cette ascension. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, puisque moi vraiment je faisais partie de ceux qui pensaient au tout début, à l'annonce de la machine, hein, que les voyants étaient au rouge et j'avais très peur, enfin... quand même, souvenez-vous la communication sur One to Switch, sur traire la vache, secouer la bouteille de champagne, le bébé de l'espace qui fait super peur à Bercy, bref, ça partait quand même très mal, et 9 mois après, c'est incroyable, que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes de ludothèque, c'est carrément une autre console qu'on a sous les yeux. Je suis très heureux pour la Switch, et normalement, si Papa Noël a entendu mes prières, oh petit Papa Noël, je devrais donc tâter de la bait, fricoter avec des Joy-Con, ce Noël. Donc, encore bravo à Nintendo. Et donc, non, Nintendo n'est pas encore prêt de mourir, je peux vous rassurer. Alors ça ne va pas fort hein, pour le studio Boss Key. Alors non pas Bosky comme un bosquet, hein, attention. Parce que je sais qu'avec ma prononciation de l'anglais absolument extraordinaire, je le comprends très bien, mais enfin je le prononce très mal. Hein. Ça je le reconnais, on a tous nos défauts, et moi le premier. Donc le studio connaît donc un départ assez important puisque c'est le cofondateur qui claque la porte du studio. Rappelons quand même ce qu'est Boss Key. Alors Boss Key, ça a été monté en 2014, hein, pour supporter le développement de Lawbreakers. Lawbreakers, c'est quoi? C'était le dernier bébé de Cliff Bleszinski, papa de Gears of War. Et bon, on sait que le jeu n'a pas trop fonctionné, au grand désarroi de son créateur. Le jeu a déçu, n'est pas un gros succès. Et donc, le cofondateur hein, du studio, Arjan Brussi. Alors, comme toujours, je ne sais pas si je le prononce bien, mais je compte sur vous sur les réseaux sociaux pour me rectifier et me mettre un petit clic au cul au cas où. Arjan, donc, quitte... abandonne Cliffy B pour rejoindre à nouveau 20 ans après Epic Games pour un projet qui visiblement est super stimulant. En tout cas, c'est ce que le cofondateur nous dit sur Twitter. Alors, quid de l'avenir du studio Boski ? Alors ça, pour l'instant, il est un peu trop tôt pour en parler. Attendons de voir ce qui va se passer, mais en tout cas, je pense que le Cliffy doit en avoir gros sur la patata en ce moment. Mais bon, gageons qu'il saura rebondir et attendons de voir un petit peu. Comptez sur moi pour vous tenir au courant. Je tenais à remercier Mopral, un auditeur tipeur de grande qualité, n'est-ce pas, que vous pouvez d'ailleurs entendre dans la grande revue de presse JV, dont le deuxième numéro est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, disponible dans tous les bons flux. Il nous dit, ce cher Mopral, que sur GOG ou GOG.com, alors il y a deux écoles, voilà, bref, en tout cas, sur GOG.com, Grim Fandango, le superbe jeu d'aventure, le point and click de LucasArts, qui avait été conçu par le grand Tim Schafer et qui était sorti en 1998, cela ne nous rajeunit pas, et ben est gratuit. C'est un jeu absolument fantastique, avec un humour ravageur, une intrigue qui se déroule au pays des morts, un univers inspiré de la mythologie aztèque, bref, il faut absolument y jouer, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Voilà, c'était la petite info pratique de la journée, et nous la devons à ce cher Mopral. Donc Mopral, au nom de tous les auditeurs et de la France, je te dis merci. C'est en allant sur l'excellent site Biohazard France, tenu notamment par ce cher Hunk, que j'avais déjà évoqué moult fois dans cette émission. Je vais peut-être arrêter de dire moult, je commence à le dire un petit peu trop. Je vais essayer de me calmer sur moult, mais je trouve qu'il sonne bien en bouche. Voilà, bah, bref, ceci est un autre débat. Donc, sur le site Biohazard France, qui est vraiment pour moi la référence, je dirais même mondiale, des sites traitant de Resident Evil, le site titre « La fin de Zoé vient conclure le scénario de Resident Evil 7 ». Et oui, Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition est sorti hier, donc vous savez que c'est une édition qui propose, en plus de l'histoire principale du jeu, qui, mon Dieu, est excellente, quel jeu, bref, je n'en dirai point plus, mais les contenus supplémentaires sont aussi intégrés dedans, les fabuleuses vidéos interdites 1 et 2, et le nouveau DLC là, Bing, qui vient de tomber, intitulé La fin de Zoé. Et il sera, bien sûr, possible de télécharger gratuitement le DLC Not a Hero, mettant en scène Chris Redfield. Je vais essayer de ne pas partir dans des envolées lyriques interminables concernant Resident Evil 7, car vous le savez, ceux qui me suivent en tout cas, j'ai adoré cet épisode. Ils ont renversé la table tout en renouant avec les origines de la série, avec des épisodes 5 et 6 qui avaient cartonné, enfin bref. Je leur tire encore mon coup de chapeau. Et donc, sur Biohazard France, on apprend que la fin de Zoé, donc ce scénario, est la suite directe du scénario principal et sera le dernier de Resident Evil 7. La bande-annonce pour ce DLC, bien sûr, est disponible sur Biohazard France. Je vous invite à aller la voir. Et donc, on découvrira dans cette histoire un personnage nommé Joe qui se met en marche, donc nous dit Hunk sur le site, pour aider cette pauvre Zoé Baker. Le site qui nous rapporte aussi les propos du producteur du jeu Masa Kawata, qui déclare, attention, la fin de Zoé combinera une ambiance belle et sexy. Donc là, je pense que si ça vous a pas vendu ce DLC, je ne comprends plus rien. J'ajoute d'ailleurs que ce DLC sera jouable aussi au PlayStation VR. Bon, ça paraît coulé de source vu que Biohazard 7 est l'un des fers de lance, en tout cas un des gros, vrais, gros jeux disponibles sur PlayStation VR. Mais je tenais quand même à le préciser, au cas où, les précisions, ça ne mange pas de pain, ça fait plaisir à tout le monde, donc pourquoi se gêner, quelque part. Si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir avec un beau volant pour profiter des meilleures simulations automobiles sorties, je vous conseille un superbe dossier sur jeuxvideo.com, un dossier intitulé « Comparatif 2.17 volants de course à l'essai entre 80 et 1600 euros ». Alors là, vous voyez qu'il y en a pour toutes les bourses. C'est un dossier signé Oliver Roy du Bocal, un fidèle de l'émission que je salue. Alors oui, c'est un coup de pub, certes, pour un fidèle auditeur, mais j'ai quand même été voir son dossier avant. S'il avait été tout pérave et tout mal écrit et tout cacateux, je n'en aurais pas parlé, bien évidemment. Mais enfin, il se trouve que le dossier est vraiment super sympa, donc Eh ben, je vous en parle. Le dossier commence ainsi, alors attention, ça fait vraiment envie. Dans l'univers des périphériques gaming, le volant est sans doute l'objet qui peut se montrer le plus à même d'augmenter l'immersion globale d'un joueur plongé dans un univers virtuel. Notamment parce que dans les cas les plus favorables, il permet de donner un ressenti tangible à une quantité de détails de gameplay, comme les aspérités de la route, les décrochages dans les virages ou les chocs de collision. Un degré d'immersion que même les plus grands pilotes n'hésitent plus à louer, avant qu'il leur permet de réviser les tracés dans leur circuit sans risque et dans des conditions quasi réalistes. Alors ça, figurez-vous que je ne le savais même pas. Bref, on parle peu des volants, mais c'est vrai qu'ils existent toujours, et alors ils intéressent surtout les accros de simu automobile, mais enfin, ils sont là. N'oublions pas ceux qui aiment les volants, ne les laissons pas sur le bord de la route. Non, nous pensons à vous, et ce dossier est donc là pour vous. Donc bravo Oliver, roi du bocal. Je pense que ce dossier a été fait pile poil pour être lu là pendant ces périodes de fêtes de fin d'année. Pour ceux que ça intéresse, eh ben il est là le dossier, il n'attend plus que vous, il vous ouvre les bras et il ne tient qu'à vous, eh ben d'aller le consulter, hein, toujours dans le respect de la personne humaine, bien évidemment. Avant de terminer cette édition du mercredi, j'aimerais inaugurer une toute nouvelle rubrique. Voilà, alors, je réfléchis activement ces derniers temps pour intégrer donc à la revue de presse JV des rubriques régulières, récurrentes, qui interviendront donc toujours sur un jour précis. Donc comme je le disais dans le petit message que je vous ai mis, la petite émission spéciale de 5 minutes que je vous ai mis hier, c'est toujours sur le même flux, hein, j'expliquais qu'en fait j'adore ce côté matière vivante de la revue de presse JV où on ne sait pas ce qui va se passer chaque jour. Et ça, je tiens vraiment à garder cette spécificité de l'émission. Mais par-dessus ça, comme une petite cerise sur le gâteau, the cherry on the cake, comme disent nos amis anglo-saxons, j'ai envie aussi de mettre une ou deux, peut-être, voire trois, je ne sais pas, rubriques récurrentes dans la semaine, donc qui tombent à des jours précis. Je réfléchis en ce moment activement à une rubrique que je pourrais offrir aux tipeurs pour l'émission inédite du samedi. J'ai une petite idée pour une rubrique récurrente qui interviendrait chaque vendredi. Mais enfin, tout ça, j'y réfléchis. N'hésitez pas à continuer à me proposer vos idées sur les réseaux sociaux. Mais là, en tout cas, la première, je me suis décidé, une rubrique 100% Japon qui interviendra donc à partir d'aujourd'hui, chaque mercredi matin. Alors attention, il n'est pas question d'arrêter de parler de jeux japonais les autres jours de la semaine. Mais l'idée avec cette rubrique 100% Japon, c'était de créer un rendez-vous avec des annonces qui ne sont pas forcément très grand public, avec des news qui sont un peu plus de niche, dirais-je, mais qui n'en restent pas moins très intéressantes. Eh ben, on attaque tout de suite la première de cette rubrique 100% Japon. J'aimerais commencer par vous parler d'Okuto ga Gotoku, puisqu'une démo est calé au Japon pour début 2018. Alors je rappelle que développé par la team Yakuza, Okuto ga Gotoku panache l'univers de Ken le survivant avec le look et le game design si percutant de la saga Yakuza de Sega. Une démo va donc débouler sur le PlayStation Store japonais donc en février 2018, sachant que le jeu sortira sur l'archipel le 22 du même mois. A noter aussi que de nouvelles vidéos avec du bon gros gameplay qui tâche seront dévoilées là en janvier, donc très prochainement. Super Robot Taizen X a été annoncé là tout récemment, à vrai dire hier, sur PlayStation 4 et PlayStation Vita. Et oui, la PlayStation Vita vit encore, mes amis. Donc, calé pour le 29 mars 2018 au Japon, mais aussi le 26 avril de la même année en Asie du Sud-Est avec des tests en anglais. Important, ça, de le savoir. Super Robot Taizen X mettra en scène les joyeux combattants de Gundam, Gurren Lagann, Code Geass, Mazinger Zero ou encore Cross Eng dans un énième tactical RPG robotique de bon aloi. Parmi les petits nouveaux de cette itération, attention, alors là, alors attention, il y a du gros nom, vous pourrez compter sur Gundam Reconquista, Buddy Complex, Machine Hero Wataru, qu'on a connu chez nous sous le nom de Adrien, le sauveur du monde, alors ça parlera sûrement aux nostalgiques du Club Dorothée, et surtout Fujiki Nohumi no Nadia, Autrement dit, Nadia, le secret de l'eau bleue, la célèbre série de Gainax. Et donc le Nautilus sera dans le jeu, il pourra guerroyer avec à ses commandes le célèbre Capitaine Nemo version Gainax. Un collector premium intitulé Anime Song and Sound Edition de Super Robot Taizen X hein, est donc prévu et contiendra 35 chansons additionnelles, attention ça ne rigole pas. Et nous avons appris grâce au site Gematsu que le jeu en est à 70% de son développement. Donc je pense que les amateurs de cette série, dont on ne compte plus, hein, les itérations, seront ravis. Le dernier numéro de Famitsu, le célèbre magazine de jeux vidéo japonais, a révélé un nouveau jeu, Yo-Kai Watch, alors sur mobile cette fois-ci, sur iOS et Android, et il se nommera Yo-Kai Sangokushi Kunitori Wars. Ce sera sur iOS et Android, et ce sera développé par Koei Tecmo. Alors, il n'y a pas hein, la terminaison Watch sur le jeu, puisque c'est un tactical RPG qui s'inscrit dans la droite lignée de l'épisode donc Sangokushi, qui était sorti sur 3DS en avril 2016. Bon, vraisemblablement, il s'agit d'un énième free-to-play. C'est quand même une sortie importante, et il convient de la notifier, surtout dans cette émission. Ni no Kuni 2, le fameux RPG de Level 5 qui reprend l'esthétique de Ghibli, que l'on attendait tous comme des fous et qui moi personnellement m'intrigue, m'intéresse beaucoup plus que le premier épisode, et ben est retardé pour une seconde fois encore. Et oui, il faut rappeler quand même qu'à la base, le jeu était annoncé pour le 10 novembre donc de cette année, il a été repoussé au 19 janvier 2018, mais le RPG de Level 5 que nous attendions tous est finalement reporté au 23 mars 2018. Et c'est Akihiro Inno, le président de Level 5, qui nous l'annonce, mais qui donne une bonne raison, à savoir l'introduction de deux nouveaux modes de jeu intitulés Opération Militaire et Royaume, qui visiblement nécessiteraient des petits réglages, des ajustements pour que ce soit pile poil nickel. Pour la sortie du jeu, on risque d'avoir des nouvelles, en tout cas d'après Level 5, très prochainement. Je pense qu'ils vont continuer à bien communiquer dessus, histoire de se faire un petit peu pardonner, entre guillemets. Mais enfin, si c'est pour avoir un jeu encore plus complet, encore mieux optimisé, finalement, on peut attendre. Et puis avec tout ce qui est sorti cette année, hein, année 2017 historique, et d'autant plus pour le jeu vidéo japonais sur console, je pense qu'on peut se permettre d'attendre un petit peu, tellement il y a de jeux à faire. Et je suis sûr que vous n'avez pas eu le temps de faire tous les jeux japonais, les gros hits qui sont sortis cette année. Et enfin, pour terminer cette rubrique 100% Japon, cette toute première rubrique 100% Japon, j'aimerais vous parler de Yoko Taro, le génial créateur de Nier et de Nier Automata et de Drakengard. Alors, ceux qui me suivent hein, savent que je suis super fan du bonhomme. D'ailleurs, petit big up à Atomium, qui est au Japon d'ailleurs en ce moment. Bref, Yoko Taro a tweeté que son GOTY n'était autre que Animal Crossing Pocket Camp. Alors, vous savez, la déclinaison mobile d'Animal Crossing, dont on a tant et tant parlé dans cette émission, et qui est disponible depuis quelques jours. Et le bonhomme a déclaré à Gamasutra des choses rigolotes, alors que je vous ai traduit moi-même avec mes petites mains. Donc, Yoko Taro a dit qu'au début, donc en jouant à Animal Crossing Pocket Camp, il était un peu triste, parce qu'il trouvait qu'il y avait moins de choses à faire dans cette version mobile comparée à la version 3DS. Et donc le papa de Nier pousse la réflexion assez loin sur la philosophie du jeu de Nintendo en déclarant « Le lapin semble être un herbivore tout à fait classique, mais on peut le voir dans ce jeu griller et manger du poisson. De plus, les porcs et les vaches aiment le barbecue, même si vous ne pouvez pas voir ce qu'ils grillent. Que se passe-t-il dans cet écosystème ?» se demande Yoko Taro. « Quand vous manquez de choses à manger, faites-vous appel au cannibalisme ? Y a-t-il tant de différences dans l'intelligence des oiseaux et des poissons ? Si vous marchez sur deux pattes et parlez, ça veut dire que vous ne serez pas chassé ? La valeur de votre vie est-elle déterminée par votre intelligence ? Il y a tellement de thèmes intéressants cachés dans ce jeu. » Alors là, je pense que Yoko Taro pousse peut-être la réflexion un peu trop loin. Il se demande également, pourquoi, alors je cite, hein, « Pourquoi devez-vous collecter des choses qui sont juste à côté des monstres pour les rendre heureux ? Comme un esclave. Je suppose que cela représente les divisions entre les gens, les différentes classes de la société. » Et il ajoute, « Je n'ai pas mis de meubles ou quoi que ce soit dans mon camp, sauf un réservoir de kérosène. J'ai commencé ce jeu pour pouvoir me venger du raton laveur. » Alors le raton laveur, il me semble donc que c'est celui qui vous met toute une hypothèque sur le dos au début, etc. C'est Tom Nook, hein, me semble-t-il. Donc il dit « Mais maintenant, j'ai un autre but. J'aimerais jouer à ce jeu jusqu'à ce que je brûle cette sombre forêt. » Donc voilà, Yoko Taro, donc, dont l'esprit aussi sombre et torturé que cette forêt, nous livre donc son avis sur Animal Crossing, un avis très décalé, mais qui ne manque pas d'intérêt. Voilà, donc c'était la dernière news que je comptais vous apporter sur un plateau d'argent pour cette première rubrique de 100% Japon. J'espère que cela vous a plu. Alors, je dis 100% Japon, j'ai pas encore trouvé vraiment de nom définitif à cette rubrique. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part sur le compte Twitter de l'émission, @revuedepressejv, tout collé, ou sur mon compte perso, @chezbruno, chez_bruno. Il est temps de nous quitter, c'est la fin de cette édition de la revue de presse JV. Mais point de panique, chers camarades, on se retrouve demain matin, bien sûr, peu avant 7h, toujours sur iTunes, Podcloud, Deezer, YouTube. Alors, il y a eu un petit souci hier sur YouTube, hein. L'upload a complètement planté, donc c'est pour ça que ceux qui me suivent sur YouTube ont eu l'émission un peu après. Il y a eu un peu de retard sur YouTube, donc je m'en excuse, mais voilà, c'était indépendant de ma volonté, ça n'arrêtait pas, de planter sur YouTube, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, voilà, vous savez que l'émission est disponible H24 et 7 jours sur 7 sur tous ces flux-là, sur tous ces portails-là. N'oubliez pas de mettre des petites étoiles sur iTunes, c'est super important, et des commentaires, et puis bon, n'hésitez pas à venir me parler sur le compte Twitter. Comme d'habitude, vous avez toujours le blog hein, qui centralise tous les liens, la revue de presse jv, tout collé, point wordpress.com, et le Tipeee aussi qui centralise tous les liens, tipeee.com/la revue de presse jv, le lien est toujours dans la description. Et donc j'aimerais remercier à nouveau Mika, Aza, Neo Calimero, Mister Haru, Slokwane, tu me diras hein, si j'ai mal prononcé, le Docteur Lacave, Oliver Roy du Bocal, Turtle, Dom Dom 01, Evolix, Pipo Letsu, Adrien, HXC, Nasara, AHL9, Archesan, Bal 42, Pizza Hunter, Lina Nounette, Forza Pedro, Mike, Antoine, Oursic, JP Madère, Fay, Fabien, Remix 92, Machin Truc, Monsieur A, Somaz, Graou, Jimmy, Mac, BN, Emmanuel, Francois, Mopral. Merci, merci à tous. Alors, j'espère n'avoir oublié personne. Parfois, j'ai des tipeurs qui viennent me voir en me disant « T'as oublié de me citer ?» alors que j'ai la liste vraiment sous les yeux de tous les tipeurs. Je revérifie plusieurs fois pour être sûr d'oublier personne. Alors, croyez bien que si j'oublie certains d'entre vous, c'est vraiment à mon grand désarroi, car je fais hyper attention, enfin ceux qui me suivent le savent, je pense, je fais super attention aux tipeurs, j'essaie vraiment de vous choyer un maximum. Donc si j'oublie un nom, n'hésitez pas. Comme je dis, venez me mettre un petit clic au cul sur Twitter ou Facebook et vous serez triplement cité le lendemain comme il se doit. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas de partager l'émission si elle vous plaît, à vous abonner, c'est très important, à en parler autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée. Bon courage pour le boulot. Bon courage si vous en cherchez, c'est pas évident, surtout en ce moment à l'approche des fêtes. Bref, plein de bonnes choses pour vous et on se retrouve bah, dès demain, à la même heure bien évidemment. Allez, bonne journée.